Chapitre 14e, le verdict. Rien de plus émouvant que le dernier acte d'un drame judiciaire. Rien de plus solennel que le moment qui s'écoule entre la clôture des débats et l'audition des réponses du jury aux questions qui lui ont été posées. On sait que le sort de l'accusé dépend du mot qui sera prononcé. Oui. Non. C'est-à-dire la vie ou la mort. Le public, toujours si impressionnable, se replie sur lui-même pendant cet intervalle, et chacun discute à voix basse les chances présumables de l'acquittement ou de la condamnation. Ce n'est pas seulement dans la salle des assises qu'on se livre à ses préoccupations. La foule qui assiège les abords du palais de justice subit le contre-coup de l'émotion du dedans. Chacun s'interroge du regard et émet son avis. Dès que les jurés eurent quitté le tribunal pour délibérer, Martineau et Cavarox se précipitèrent vers Maxou pour le féliciter de son succès oratoire. Les avocats du baron Nivernais, eux aussi, ne lui épargnèrent pas les éloges. Et c'était justice. Maître Maxou avait eu d'admirables élans d'éloquence. « Tu as été tout simplement sublime, » lui dit le reporter Martineau. « J'ai eu l'heureuse idée de faire sténographier ta plaidoirie. Demain, toute la France pourra la lire. » Mais le jeune avocat semblait indifférent à toutes ces chaleureuses félicitations. Une seule pensée l'absorbait. Il attendait avec une anxiété fébrile le verdict qui allait être prononcé. Par instants, il repassait dans sa mémoire les points les plus importants de son plaidoyer. Il se demandait s'il n'avait rien omis, rien négligé qui fût de nature à amener la conviction dans l'esprit des jurés. Si cette pauvre fille, en l'innocence de laquelle il avait foi, allait être condamnée, quelle horrible pensée et quelle torture! Une demi-heure s'était écoulée et rien ne laissait présager que les délibérations touchassent à leur terme. Cette lenteur le rassurait et l'épouvantait en même temps. Évidemment, les jurés se trouvaient divisés d'opinion. Mais de quel côté finirait par pencher la balance? Une autre demi-heure s'écoula encore. L'anxiété de Maxou grandissait. Les vieux avocats du barreau de Nevers regardaient cette lenteur comme un signe favorable et ils s'efforçaient de faire passer leur confiance dans l'âme de leur jeune confrère. Mais lui, il hochait tristement la tête. La duchesse de Valombreuse était silencieuse et morne. Pâle sous ses vêtements de deuil, elle semblait personnifier la résignation. Il n'en était pas de même d'Ève et de Marcel. Elle tressaillait au moindre bruit. On eût dit que c'était leur sort qui se trouvait en jeu. Enfin, un coup de sonnette retentit. Bientôt, les jurés entrèrent. Tous les regards se tournèrent vers eux, comme pour les interroger. Maxou, qui les observait, se sentit envahi par la terreur. Les juges avaient pris place sur leur siège. Le président invita le chef du jury à faire connaître le verdict. Celui-ci se leva et prit la parole en ces termes. « Sur la première question, l'accusé a-t-il versé du poison dans le breuvage de la duchesse de Valombreuse afin de lui donner la mort ?»« Sur mon âme et conscience, oui. » Tous les assistants frissonnèrent. Maxou était atterré. « Sur la deuxième question, y a-t-il eu préméditation ? Non. Sur la troisième question, y a-t-il des circonstances atténuantes ? Oui. Toutes les poitrines respirèrent. Le président prit aussitôt la parole et lut les articles du code applicable à l'espèce. Il se leva ensuite et passa avec les juges dans la salle du conseil pour délibérer. Puis il rentra au bout d'un instant et leur donna de ramener l'accusée. Elle était plus pâle qu'à sa sortie de la salle des assises. Mais son regard ne trahissait aucune faiblesse. Elle entendit avec le plus grand sang-froid l'arrêt qui la condamnait à 10 ans de travaux forcés. Maître Maxou, à bout de force, se laissa tomber sur son banc. L'arrêt prononcé, la condamnée se tourna vers la duchesse de Valombreuse, qui faisait de vains efforts pour calmer ses filles et pleurer, et d'une voix qui pénétra jusqu'au fond de tous les cœurs de la foule, elle lui dit « Si vous connaissez l'auteur du crime, madame, apprenez-lui que je le plains 1000 fois plus que moi. » Car c'est le remords éternel qui l'attend dans cette vie, et dans l'autre, le châtiment de Dieu. » Puis s'adressant au juge, « Un jour, continua-t-elle, la vérité éclatera, et vous regretterez votre erreur. » « Vous avez 3 jours pour vous pourvoir en cassation, » lui dit le président. La condamnée, sur ces mots, fut conduite hors du tribunal. Elle était tout aussi calme que si la porte qui venait de s'ouvrir devant elle devait la conduire à la liberté.